عشرات الساعة les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، لازلنا مع هذه السلسلة المباركة بإذن رب الأرض والسماوات، ألا وهي أشراط الساعة. On est toujours avec cette série ici de cours concernant les signes de la fin des temps. Et on avait parlé la semaine dernière ici de l'oppression de dhulm et des oppresseurs particulièrement miliciens, ou concernant, on a parlé des oppresseurs qu'on retrouve souvent chez certaines autorités, et on en avait parlé dans les détails, et on avait mis en garde contre toute injustice ou contre toute forme d'injustice et contre toute forme d'oppression à travers les preuves du Coran et de la Sunna bifahmi salafil ummah wa min ashrati as-sa'a. Et ici on est toujours dans les petits signes. D'accord, ashratu as-sa'a as-sughra, dans les petits signes de la fin des temps. Parmi les petits signes de la fin des temps, ma rawahu al-imam al-Bukhari wa Muslim fi as-sahihayn, anna an-nabi alayhi as-salatu was-salam qala min ashrati as-sa'a wa dhakara minha wa yadhharu az-zina. Le prophète alayhi as-salatu was-salam dit dans as-sahihayn, et parmi les signes de la fin des temps, et il en a cité plusieurs, et il a cité parmi ces signes de la fin des temps, wa yadhharu az-zina, l'apparition de la fornication. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il n'y avait pas de ce qu'on appelle de zina, de fornication. Ici, il n'y avait aucun homme sur la surface de la terre qui ne commettait pas zina, la fornication. Walakin, quand le prophète il dit wa yadhharu zina, c'est que le prophète alayhi salam nous enseigne que parmi les signes de la fin des temps, il y aura l'apparition claire de la fornication. Contrairement à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, la fornication était présente, mais pas aussi clairement et aussi ouvertement qu'à notre époque, lil asafi shadid. Et ça, ayyuhal ahibba, c'est un signe, comme on va le voir dans les détails, bihawlillahi azza wa jal, qui fait partie des signes de la fin des temps, et qui nous rappelle que le prophète alayhi salatu wassalam, huwa man huwa alladhi la yantiqu anil hawa, c'est lui qui ne parle pas poussé par sa passion, car à son époque, il a dit, alayhi salatu wassalam, parmi les signes de la fin des temps, yadhharu zina, l'apparition de la fornication. Et il va détailler cette apparition, et il va détailler cette forme, si on veut, de fornication qui va être claire, qui va être apparente et qui va gêner que peu de gens. Et le prophète il l'a dit à 14 siècles, alors que ça n'existait pas à son époque. Ça n'existait pas ici ce type de fornication qui est l'apparition claire de la fornication, la fornication claire, ouverte, sans complexe, sans aucune gêne. Et ce type de fornication, ayyuhal ahibba, ne gênera, ici le prophète l'a montré, qu'il ne gênera que quelques personnes. Mais beaucoup de personnes ne seront pas gênées. Et bien plus que cela, ils vont trouver ça naturel. Et bien plus que cela, ils vont rendre autorisé, halal, licite, az-zina wal-iyadu billah. Et des gens de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. À ce point, na'am. Rawahu al-imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé que non seulement la fornication va apparaître, donc de façon claire, ça va devenir banal, le péché banalisé, on va en parler. Mais plus que cela, les gens vont, de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, parmi des gens de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, il y aura ceux qui vont rendre halal, wal'iyadu billah, la fornication. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le hadith est dans le Bukhari, la yakunanna fi ummati. Ah, il y aura dans ma communauté, il dit alayhi salatu wassalam, aqwamun yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamra wal-ma'azif. Il y aura dans ma communauté des gens qui vont rendre licite halal. Et il dit quoi? Alayhi salatu wassalam, il parle de la fornication, la soie Et ici, il dit aussi, il parle de al-khamra wal-ma'azif, l'alcool, le vin, et aussi les instruments de musique. Et on en parlera, inshallah ta'ala, de l'alcool et des instruments de musique. Le prophète, alayhi salam, il a dit, dans ma communauté, il y aura des gens qui vont rendre halal. Mais à cause de quoi ce grand péché qui fait partie de l'kaba'ir ayu al-ahibba va être rendu halal? Donc quelque part, banalisé par des gens de la communauté du prophète, alayhi salatu wasalam. Awalan, sababu dhalik, qillatul ilm. La cause de cela, c'est le manque de science. Le peu de science qu'on va retrouver chez les gens. Parce que quand tu n'as pas de science ou tu as que très peu de science, tu ne vas pas donner de l'importance comme il se doit au péché, au grand péché. Donc ici, tu ne vas pas avoir peur de tomber dans ces grands péchés. Donc tomber dans ces grands péchés, ça sera quelque chose de banal ou de pas trop grave pour toi. Ceci à cause de quoi? Certains vont nous dire, oui, mais l'iman, la foi, elle monte et elle descend par la cause de quoi? La désobéissance et l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Al-iman yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bil ma'asi. La foi monte de par l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, par la cause de l'obéissance envers Allah Azza wa Jalla. Plus tu obéis à Allah, plus ta foi monte, et plus tu désobéis à Allah, et plus ta foi baisse. Nous disons, na'am, si quelqu'un tombe facilement dans la fornication, c'est qu'il a une foi qui est basse. Mais nous disons, si sa foi a baissé, la cause principale, c'est à quoi? C'est quoi? C'est dû à son manque de science. Parce que par le biais de la science, tu apprends à craindre Allah Azza wa Jal, à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, à connaître la gravité de commettre tel et tel péché, et c'est une cause qui va t'éloigner plus facilement des grands péchés et des petits péchés aussi. Mais plus tu t'éloignes de la science, moins tu connaîtras ton Seigneur, moins tu craindras Allah Azza wa Jal, et moins tu prendras connaissance de la gravité des grands et même des petits péchés. Donc tu tomberas plus facilement ici dans les grands et que dire des petits péchés. Donc nous disons, nous devons nous accrocher à la science religieuse ayu al-ahibba pour savoir qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wasalam quand une personne fait tel ou tel péché. Quel est le châtiment qui l'attend, wal'ayyadu billah, dans la tombe? Quel est le châtiment qui l'attend? Dans l'enfer. Quel est le châtiment qui l'attend? Le jour de la résurrection. Et quand il va apprendre à connaître ça, il va apprendre à connaître la gravité du péché, ici, il sera plus à même de s'éloigner de ses grands péchés. Et c'est pour ça que nous disons, parmi les causes principales qui ont fait, et nous parlons de notre époque au jour d'aujourd'hui, que le péché de la fornication a été banalisé, wal'ayyadu billah, jusqu'à ce que certaines personnes de la communauté du prophète ont rendu halal, ils ont rendu licite az-zina, wal'ayyadu billah, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'avait prévu il y a 14 siècles. Et il l'avait dit car il a eu la révélation de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, car même le prophète ni le malaïka ne connaissent l'avenir al-ghaib, le monde de l'inconnaissable, le monde invisible, si ce n'est par la permission d'Allah azza wa jal, quand il y a des exceptions, comme le prophète alayhi afdalus salati wa azka at-taslim. Ici, les péchés ont été minimisés, et la cause de cela, on a dit le manque de science. Donc quand on dit le manque de science, le manque de crainte d'Allah. Donc quand on dit le manque de crainte d'Allah azza wa jal, on tombe automatiquement plus facilement dans les péchés. Et aussi, on s'est fait avoir souvent par Shaitan, qui nous dit toujours et qui répète sans cesse cette parole. Et c'est quoi cette parole? C'est pas grave. C'est pas grave, il y a pire que toi. C'est pas grave, il y a pire que toi. Combien de fois on l'entend? Et moi le premier. Quand tu fais une chose, tu entends toujours cette parole qui vient de Shaitan la'anahullah. Ce n'est pas grave, il y a pire que toi. Et on est arrivé à un stade où on a banalisé beaucoup de péchés. Banalisé beaucoup de péchés. Alors que Anas radiyallahu ta'ala anhu wa arda, il disait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'aurait-il dit Anas radiyallahu anhu wa arda s'il serait à notre époque? Rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Anas radiyallahu ta'ala anhu wa arda a dit: innakum lata'amalouna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minas sha'ar. Il dit, vous faites des péchés. Ça c'est Anas à son époque, hein, radiyallahu anhu wa arda, ce grand compagnon. Vous faites des péchés ici qui sont à vos yeux aussi fins qu'un cheveu. Aussi fins qu'un cheveu. Et il dit, kunna لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات يعني من المهلكات. Alors que nous, on les comptait, on les considérait comme des péchés capitaux. Comme des péchés capitaux, ayu al-ahibba, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Des péchés qui détruisent. Ça, c'était Anas à son époque. Il disait, il y a des péchés qui sont commis, mais pour les gens, ils sont aussi fins qu'un cheveu. Ah, je répète, à l'époque de Anas, il y a 14 siècles. Et il dit alors qu'à l'époque du prophète, de son vivant, alayhi salatu wassalam, ils étaient considérés comme des péchés capitaux, des grands péchés qui causent la destruction de la personne. Alors qu'il n'y avait pas ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Il n'y avait pas les femmes dévêtues comme ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Il n'y avait pas les pervers qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Il n'y avait pas les paroles qui choquent, qui viennent de la bouche de nos frères et sœurs quelquefois malheureusement. Au jour d'aujourd'hui, on les entend. À l'époque de Anas, il n'y avait pas ces paroles-là. À titre d'exemple, ce n'est pas grave, ya akhi. Il est encore jeune, il peut s'amuser, il peut aller avec des filles. On les entend dans la communauté. Naam. Est-ce qu'il rentre quelque part licite la fornication? Naam. Et c'est dans la communauté du prophète? Oui. Le prophète, il l'a dit à 14 siècles. Il y a 14 siècles, ayyuhal ahibba, où, à l'époque de l'jahiliya, avant al-wahi, la révélation, les femmes, il est rapporté qu'ils avaient une certaine pudeur qui faisait que même quand ils sortaient de chez elles, ils sortaient couvertes avec une sorte de khimar ou une sorte de voile. Ça, c'était à l'époque de l'jahiliya. Bien que les femmes s'adonnaient, ayyuhal ahibba, à des choses ici qui font partie des actes de perverses. Et ils s'adonnaient à plusieurs hommes, certaines femmes. Mais walakin, ils avaient une certaine pudeur qui faisait que même quand ils sortaient de chez elles, de façon apparente devant les gens, beaucoup de femmes à l'époque de l'Jahiliya sortaient avec un khimar, avec un voile. Au jour d'aujourd'hui, qu'aurait-il dit le prophète alayhi salatu wasalam, qu'aurait-il dit Anas radiyallahu ta'ala anhu wa arda, à l'époque où on a banalisé les péchés? La fornication maintenant c'est devenu, ce n'est pas grave, ce n'est pas aussi grave que tu le dis. C'est ce que disent maintenant les gens malheureusement dans la communauté du prophète. Mais le prophète nous l'a informé il y a 14 siècles. Wa sadaqa alayhi salatu wassalam. Et certes il a dit vrai le prophète alayhi salatu wassalam quand il a dit le hadith rapporté par Muslim, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatouba lil ghuraba. L'islam a commencé étranger ou comme quelque chose d'étrange. Et il repartira étranger. Passez la bonne nouvelle aux étrangers. Ibn al-Qayyim il dit, c'est un arbre au paradis. C'est comme si le prophète avait dit, le paradis pour les étrangers. Maintenant, on est étrangers parmi les étrangers. Les musulmans sont considérés étrangers par rapport à la masse. Et nous, parmi les musulmans, tu vas voir un groupe de musulmans qui, par rapport aux autres musulmans, sont considérés comme des étrangers. Ceci exagère. Ceux-là disent n'importe quoi. Ceux-là viennent avec une nouvelle religion. On entend ces paroles. Pourquoi? Parce qu'on apporte quelquefois, ou des gens apportent la vérité, qui était inconnu chez beaucoup de musulmans. Donc, des musulmans sont devenus étrangers parmi les musulmans. Walakin abshir ya akhi al-habib, abshir ya ukhti al-karima, réjouis-toi, le prophète a dit, fatouba lil ghuraba. Tu ressembles quelque part à qui? Aux compagnons, radiyallahu anhum wa ardhom, qui quand ils sont venus, pour les gens et la masse, c'était quelque chose de nouveau. Quelque chose, yani, qui faisait qu'ils avaient du mal à croire. La majeure partie des gens étaient contre eux. Le prophète a dit, fatouba lil ghuraba. Aïe. C'est comme s'il disait le paradis al-jannah. Pour qui? Haoula il-ghuraba. Ceux-là, ces étrangers. Et si tu fais partie de ces étrangers, ça c'est une preuve bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala, insha'allahu ta'ala, que tu es sur le chemin qui te mènera vers le paradis. Donc, abshir et réjouis-toi. Le péché banalisé. À cause de plusieurs choses. Et parmi ces choses-là, c'est le fait de s'adonner facilement aux petits péchés. Yani, les petits péchés, on dit c'est rien. Vous rappelez la parole que je dis, Shaitan, il nous répète souvent, c'est pas grave, il y a pire que toi. À force, les petits péchés pour nous, c'est devenu comme si ce n'était même pas des péchés. Les grands péchés sont devenus comme des petits péchés. Je ne généralise pas, mais pour certaines personnes. Alors que regardez ce que disait Ibn al-Mu'taz, rahimahullahu ta'ala, il disait, avec une traduction approximative, خَلِّ الذُّنُوبِ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. Il disait, délaisse les péchés. Quel péché? Les petits et les grands péchés. ذاك التقى. Ça, il dit, c'est une preuve de piété, de crainte envers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Le fait de délaisser quoi? Les petits et les grands péchés. Pas que les grands péchés. Les petits et les grands péchés. ذاك التقى. واصنع. Et soit agi comme une personne qui marche. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر يرى ما يرى. Ici, il disait, soit comme une personne qui marchait sur un chemin, une sorte de chemin, avec plein de piquants sur ce chemin-là. Et il fait attention où il marche. Ah, regarde, tout le temps tu fais attention. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Est-ce que ça fait partie des petits ou des grands péchés? C'est-à-dire, t'es toujours sur tes gardes. Regarde, il dit, réagis comme si tu marchais sur un chemin rempli de piquants, de chouk. Et ici, tu fais toujours attention. et tu regardes où sont les piquants, là tu dois regarder à chaque fois, est-ce que ceci est halal, est-ce que ceci est haram, est-ce que ceci va encourir la colère d'Allah Azza wa Jal, ou bien la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours tu es sur tes gardes. La tahqiranna saghiratan, ne néglige aucun petit péché, il dit aucun petit péché. Inna al-jibala min al-hasa, il donne une métaphore et il te rappelle que quoi, les montagnes sont faites de quoi, de petites pierres. Ne néglige aucun péché, aucun petit péché, car les montagnes sont faites de petites pierres, de petites pierres. Et Shaytan, ya Abdallah, il va te tirer vers lui, vers le mal, vers l'égarement, étape par étape, petit à petit. Et si tu te laisses aller, et tu baisses ta garde, si tu baisses ta garde trop longtemps et trop souvent, tu vas manger tellement de coups, ya Abdallah, ya Urtil Karima, que 3 ans, 4 ans, 5 ans après, quand tu vas ouvrir tes yeux, ou alors tu vas prendre un peu de recul, tu vas te dire, mais ya Rab, il y a 5 ans où j'étais, al-Iman, masha'Allah, et au jour d'aujourd'hui, où je suis, et tu vas en pleurer, pourquoi? T'as trop baissé la garde. T'as trop baissé la garde et t'as trop minimisé les péchés. Et tu as oublié la parole de Anas qui disait, à l'époque du prophète, alayhi salatu wasalam, les péchés que vous commettez, ici, dont vous donnez, ici, il n'y a pas plus d'importance, ou que, à vos yeux, ils sont plus fins que des cheveux. Et il disait quoi? À l'époque du prophète, alayhi salatu wasalam, c'était des péchés capitaux, des péchés graves à l'époque de Anas. Toi, tu as oublié ces paroles-là, et quand tu fais des péchés, c'est pas grave. Alhamdulillah, inna Allah ghafurur rahim. Regardez les compagnons avec quoi ils vivaient. Ils mettaient toujours la barre haute. Et on ne dit pas ici, on doit être des pieux vertueux, des anges, des prophètes, des... Non! Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs et tout le monde a ses faiblesses. Et tant que, alhamdoulillah, tu n'es pas dans le gargara, dans l'agonie de la mort, et tant que, alhamdoulillah, ici Allah Azza wa Jalla n'a pas fermé la porte du repentir, tu te repens, man taba taba Allahu alayhi, Allah Azza wa Jalla yafrah bitawbatika ya Abdallah. Allah Azza wa Jalla va se réjouir de ton repentir. Voilà que nous disons, on se doit de faire des efforts et de ne pas baisser la garde, si ce n'est au moins de ne pas trop baisser la garde. Je ne dis pas de marcher comme ça, attention, c'est une métaphore. Pas baisser la garde, c'est quoi? Pas être trop sûr de soi. Pas trop pencher ou pencher plus vers quoi? Al-raja, l'espoir, que al-khawf. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. On doit être toujours dans le juste milieu. Tu crains ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, mais tu as l'espoir aussi qu'Allah te pardonne. Mais tu ne penches pas plus, d'accord? Sauf dans certains cas, pas plus vers l'espoir que la crainte d'Allah Azza wa Jal. Sinon, tu vas être trop rassuré, et tu vas te laisser trop aller. Et comme tu ne dois pas pencher plus vers la peur que vers l'espoir, sinon tu risquerais de désespérer trop et de désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est une chose interdite dans le Coran, ayyuhal ahibba, et seuls les non-musulmans désespèrent de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, il nous l'interdit quand il dit subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Donc on se doit d'être dans le juste milieu. Je crains le châtiment d'Allah Azza wa Jal, j'ai peur, donc je mets ma garde, et ici je me prépare à rencontrer mon Seigneur, mais ici j'ai toujours l'espoir qu'Allah Azza wa Jal, il me pardonne mes péchés. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, wa khuliqa al-insan dha'ifa, l'être humain, il a été créé faible. Et l'être humain ici, khuliqa min ajal, il a été créé d'impatience. Ici, l'être humain, il est faible, il fait des erreurs. Quelquefois, il se précipite trop, ça le fait tomber dans des erreurs, etc. Mais je sais que la miséricorde d'Allah dépasse sa colère. Kama ja'a fi sahih Muslim. Le prophète alayhi salam a rappelé que la miséricorde d'Allah dépasse sa colère. Mais tu es entre les deux. Tu n'es pas parmi ceux qui disent de jour comme de nuit, même quand ils font al-kaba'ir, inna Allah ghafurur rahim. Et tu n'es pas comme ceux qui paniquent tellement que quand ils font des péchés, ya Allah, il me pardonnera jamais. Ça y est, khlash. Je sais que je suis voué en enfer. Al-ulama, ils disent, celui qui dit je suis voué en enfer, il mérite l'enfer. Parce que qui t'a dit que tu es voué en enfer? Ça, c'est un hukm, c'est un jugement qui appartient à Allah. Tu n'as même pas le droit de dire je suis voué en enfer, wal'iyadhu billah. Et celui qui dit je suis voué au paradis, il mérite l'enfer. Pourquoi? Qui t'a dit que toi t'avais ta place au paradis? Donc tu ne dis ni je suis au paradis, ni je suis en enfer. J'espère aller au paradis et j'ai peur d'aller en enfer. J'espère de satisfaire mon Seigneur tabaraka wa ta'ala et j'ai peur de mettre en colère mon Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et parmi les causes, ayyuhal ahibba, de cette banalisation, si on veut, de ces péchés-là, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous a expliqué dans le Coran al-Karim, quand il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ. Ça, c'est la principale cause du délaissement des actes d'obéissance. Et ici, du relâchement de l'être humain, de l'insouciance de l'être humain, et du fait que l'être humain souvent glisse facilement. Allah dit dans le Coran, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. On n'a pas connu Allah Azza wa Jal illa man rahim Allah, ou on ne connaît pas assez Allah subhanahu wa ta'ala illa man rahim Allah, et je ne généralise pas, mais beaucoup d'entre nous, et moi peut-être le premier, ici on ne connaît pas Allah Azza wa Jal et on n'estime pas Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. Mais quand on va estimer et connaître Allah subhanahu wa ta'ala, sa puissance, sa grandeur, sa miséricorde, sa clémence, Allah Azza wa Jal, on va vivre avec cette croyance ferme, cette bonne aqida de jour comme de nuit. Fawarabbi al-Ka'ba, tu vas vivre avec ces paroles, comme il dit Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. Et quand tu te retrouves seul dans l'obscurité, et que ton âme t'appelle à commettre un péché, et on dit regarde Allah et dis-lui à ton âme, celui qui a créé l'obscurité me voit. Ça, il t'aura certitude qu'Allah Azza wa Jal te voit. Voilà que nous, on a trop de relâchement, illa man rahim Allah. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à un stade où on a banalisé le péché jusqu'à ce que, dans la communauté, al-kaba'ir, ou certains grands péchés plutôt, ont été rendus halal par des gens qui font partie de la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam, comme l'a dit le prophète il y a 14 siècles. Comme le prophète l'a dit il y a 14 siècles, il y a des gens de ma communauté, aqwamun, yastahilluna al-hira wal-harir, wal-khamra wal-ma'azif. Il l'a dit. Les gens, ils vont rendre licite. Pourtant, on dit, ouais, mais c'est grave. Mais si, on entend. Combien de jeunes, ayu al-ahibba, quand ils rentrent, et moi, je parle par expérience, pas que dans cette ville, hein, mais je parle par expérience dans beaucoup de villes et les appels téléphoniques qu'on a et autres, que des parents, quelquefois, na'am, ils sont quelque part impuissants. Entre guillemets, ils sont fatigués. Ils sont âgés. Mais, wallah, il y en a d'autres, non. Alhamdoulilah, ils sont encore jeunes. Mais ils acceptent ouvertement de voir leur enfant côtoyer une fille, avoir des relations avec une fille, être en intimité avec une fille. Je parle d'une fille qui ne fait pas partie de sa famille, qui est étrangère, ajnabiya, elle est étrangère pour lui, il est étranger pour elle, il vit avec elle, il s'appelle Mohammed, je parle des parents, elle s'appelle peut-être Fatima, c'est des musulmans, ils prient, et j'en ai vu des dizaines et des dizaines de cas, walakin ça ne les choque pas vraiment, ils disent, qu'est-ce que tu veux que je fasse, walakin alhamdoulilah, il est encore jeune, c'est normal. Donc, est-ce qu'ils ont, billahi alaykoum, rendu halal la fornication? Ils ont rendu halal la fornication. Pour eux, ce n'est pas grave. D'accord? Au mieux, on va dire, ils ont banalisé tellement la fornication qu'ils ont mis la fornication à un degré comme si c'était un petit péché. Et encore. Parce que j'ai entendu des réactions et j'ai entendu des paroles, fawarabbi al-Ka'ba, qui m'ont choqué plutôt qu'autre chose. C'était vraiment naturel. Et voilà qu'une quelquefois, quand dans ces familles-là, l'enfant s'accroche à la religion et essaye de faire ses prières comme il se doit, à s'appliquer ici, à suivre la sunna comme il se doit, là, il devient quelqu'un qui est pas normal. Ajib. Le halal est devenu haram et le haram est devenu halal. Bada al-islam ghariban wa sa'ud ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Les gens qui suivent la sunna sont vus comme des étrangers et les gens qui suivent shaitan sont vus comme des gens normaux. Chez beaucoup de gens malheureusement, et je dis pas chez des non-musulmans, chez des gens qui font partie de la communauté du prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim. Inna min ashrati as-sa'a wa dhakara minha wa yadhharu az-zina. La fornication va apparaître clairement, ouvertement. Ça va gêner que peu de gens, comme ce qu'on voit aujourd'hui. Le prophète il a encore plus détaillé. Écoute bien le prophète qu'est-ce qu'il dit alayhi salatu wa salam. Et il cite un hadith. Et ce hadith-là, il est rapporté par Muslim. Et il restera les pires des hommes. وَيَبْقَ شِرَارُ النَّاسِ Les pires des hommes. Ah, on parle de la fin des temps. Ici, il restera les pires des hommes. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ Écoute bien ce que le prophète dit il y a 14 siècles. Ça n'existe pas, ça, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous maintenant un compagnon qui va en centre-ville maintenant à notre époque. Ça, c'était à l'époque du prophète, hein, ou à l'époque de l'Jahiliya, les femmes sortaient couvertes. Imaginez-vous à notre époque ce qu'on vit et le fitan, les troubles qu'on vit maintenant. Et il dit, alayhi salatu wassalam, il restera les pires des hommes qui copuleront, c'est-à-dire qui auront des relations, wal'ayyadu billahi akramakumullah, à la façon ou de la manière des ânes, al-himar, de la manière de l'âne. Des ânes, c'est eux que leur surprendra. Fa'alayhim taqoumu sa'a. Fa'alayhim taqoumu sa'a. Ils copuleront. Ils auront des relations comme des ânes, comme le font les ânes. Pourquoi comme des ânes? C'est-à-dire comme des bestiaux. Les bestiaux, ils ont des relations où? Chez eux? Ils louent un appartement? Hein? C'est où? C'est dehors. Partout. D'accord? On continue. Le prophète, alayhi salam, il a dit, il y a 14 siècles, rapporté par Abu Ya'la, avec une chaîne de transmission authentique, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salam, a dit, et par celui qui détient mon âme en sa main, walladhi nafsi biyadih. Il dit, cette communauté ne périra que quand l'homme ira vers la femme et l'étendra sur le chemin. Le meilleur d'entre eux ce jour-là. Subhanallah. Écoutez et méditez les paroles du prophète il y a 14 siècles. Regardez dans les détails dans lesquels il a dit. Et comment il l'a expliqué? وَيَظْهَرُ الزِّنَا. Il explique dans les détails. عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَسْكَتَ تَسْلِيمِ. Et il dit, cette communauté ne périra que quand l'homme ira vers la femme et l'étendra sur le chemin, devant tout le monde. Ah, comme le font les ânes. Mais Allah Azza wa Jalla rappelle dans le Coran Al-Karim qu'il y a des gens qui seront pires que des bestiaux. بَلْهُمْ أَضَلُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Ce sont eux les insouciants, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Quelle différence entre une bête, entre un animal et un être humain? Je dis pas qu'à n'importe quel être humain, parce que l'être humain à la base, Allah Azza wa Jalla honoré. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah Azza wa Jalla dit, on a honoré l'enfant d'Adam, qu'il soit musulman ou non musulman, juif, chrétien, bouddhiste, tout être humain a été honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a une certaine valeur, n'importe quel être humain sur la surface de la terre. Walakin, je parle de cet être humain qui boit, qui mange, qui dort et qui n'adore pas Allah Azza wa Jal, alors qu'Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran Al-Karim, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer. Donc tu enlèves, d'accord, la cause pour laquelle Allah nous a créés. Il mange, il boit, il dort, il n'adore pas Allah Azza wa Jal et il s'accouple dehors. Quelle différence entre lui et l'âme? Et c'est pour ça que vous allez voir dans le Coran Al-Karim, souvent Allah subhanahu wa ta'ala compare des gens qui ont un mauvais comportement, des mauvaises moralités à quoi? Aux animaux. Al-Kalb. Allah Azza wa Jalla compare certaines personnes à aux chiens dans le Coran Al-Karim. Il compare certains êtres humains à qui? Aux ânes. D'accord? Quand il dit, dans les recommandations de Luqman, d'accord? Il dit, ne, waqsid fi mashik, et waqdud min sawtik. Ah, ne crie pas, n'ose pas le ton. Et il dit, la plus détestée des voix, c'est bien celle de l'âne, wal'iyadu billah. Regardez, à chaque fois que souvent quand Allah Azza wa Jalla compare l'être humain à un animal, c'est pour montrer que l'action que peut faire cet être humain, c'est quelque chose de mauvais, de détesté par Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah. Et là, le prophète, il compare encore cet être humain-là, ce type d'être humain, à quoi? À l'âne, wal'iyadu billah, qui s'accouple dehors. Et le prophète, alayhi sallam, il détaille, il dit, l'être humain va arriver, il va étendre la femme sur le chemin de façon ouverte, wal'iyadu billah, et il dit, le meilleur d'entre eux ce jour-là sera celui qui dira, le meilleur d'entre eux, hein, sera celui qui dira, si au moins tu faisais ça, d'accord, tu le fais, mais au moins si tu l'as caché derrière un mur. Ça existe ou pas au jour d'aujourd'hui? Où des gens disent même, au moins s'ils ne le faisaient pas devant les gens. Tellement que c'est devenu quelque chose de banalisé, de répandu. Ils disent, au moins qu'il le fasse pas ouvertement, au moins qu'il le fasse et istarruhu ba'da, il va au moins se cacher un peu des gens et d'Allah subhanahu wa ta'ala. On arrive à un stade où on dit ça au jour d'aujourd'hui ou pas? Fawarabbil ka'ba, que oui. Et même moi, personnellement, je l'ai dit plusieurs fois. Quand j'ai vu certains de nos frères et particulièrement de nos jeunes, d'accord, des jeunes qui ont rendu tellement banalisé les relations, et attention, hein, le prophète Hassan me dit dans Sahih, il y a plusieurs versions. Ici, le regard, ah, ça part de fornication. Ah, certains membres ont leur part de fornication. Et le prophète, quand il parle des parties, il dit, les parties confirment ou infirment. Walakin, ça, ça part de fornication. Le fait de regarder une femme et rester là fixée, avec shahwa, avec plaisir, et tu restes là fixée, et c'est une femme qui t'est étrangère, ici, tu as ta part de fornication. Tu n'es pas comme celui qui a forniqué, c'est-à-dire qui a fait l'acte de fornication, mais tu as ta part de fornication. Combien de fois nous avons vu des jeunes qui côtoient des femmes ouvertement, devant des parents, devant des musulmans, devant même des gens investis dans la religion, qui, il y a quelques années, ça n'existait quasiment pas. C'est vrai ou pas? Quelques années, wallah al-adim, c'était une honte énorme. Mais maintenant, surtout, moi je parle de notre époque, Ajib, surtout ce qu'on vit maintenant à nos époques, wallah al-adim, que les signes de la fin des temps ne font que se confirmer et s'intensifier. Pourtant, ça va vite, vous voyez, avec tous les événements qui se passent. C'est pas ces centaines de cent années derrière jusqu'au jour d'aujourd'hui. Non, juste ces 10 dernières années, ces 15 dernières. Vous avez vu comment ça va vite, tous les événements. Même quand on parle de zina, wallah al-adim, les comportements qu'on voit ici au jour d'aujourd'hui, il n'y avait pas ces comportements il y a juste 10 ans ou 15 ans en arrière. Ça va très vite. Maintenant, tu vois le jeune, il n'y a plus de ihtiram, il n'y a plus de adab, de politesse, de respect. Il marche avec des femmes dehors et c'est un musulman. Il s'appelle Mohamed et Adé, il n'y a pas de honte, rien du tout. Et tu sais très bien qu'il va peut-être faire la fornication avec eux, etc. Et Hadi, tu te dis au moins dans ta tête, au moins s'il allait se cacher. Au moins, Bada, il ne fait pas ça devant les gens, devant des personnes âgées, etc. Le prophète, il a dit à 14 siècles. Il a dit, alayhi salatu wassalam, le meilleur d'entre eux sera celui qui dira, au moins s'il faisait ça derrière un mur, s'il allait se cacher au moins derrière un mur. Écoute bien, Al-Qurtubi, rahimahullahu ta'ala, regarde ce qu'il dit. Il dit Al-Qurtubi dans son livre Al-Mufhim, concernant le hadith précédent d'Anas. Ce hadith souligne l'un des signes de la prophétie car il en informe d'événements qui se produiront et qui se sont produits, écoutez bien, à l'époque de Al-Qurtubi. Il dit, et surtout qui, des choses qui se sont produites en cette époque-là. Il parle de quelle époque Al-Qurtubi? Des années derrière nous, ayol ahibba. Il parle de son époque. Donc si ça, ça avait lieu à l'époque de l'imam Al-Qurtubi, que dire à notre époque au jour d'aujourd'hui, qui est à l'époque de l'fitan, qui a atteint peut-être le summum des troubles de l'fitan. Al-Qurtubi l'a dit déjà. Et c'est pour ça que nous disons, ayol ahibba, qu'il ne faut pas minimiser ce péché. Et quand tu entends parler de zina, de la fornication, sache que c'est un signe qui fait partie des signes de la fin des temps qui a déjà existé, qu'on vit au jour d'aujourd'hui et qui nous rappelle qu'on s'approche clairement, franchement, ouvertement et de façon claire des grands signes de la fin des temps. Et comme on l'avait déjà dit précédemment, on le verra inshallah ta'ala à la fin des petits signes qu'on va traiter de la fin des temps, tous les petits signes de la fin des temps sont terminés. Les seuls signes qui peuvent arriver maintenant, c'est quoi ? Ashratus sa'a, c'est lesquels ? Al-Kubra, les grands signes de la fin des temps. Donc ici, on voit que les petits signes, on les vit de façon claire et ouverte et apparente l'asaf al-shadid. Qu'est-ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla sur az-zina pour nous rappeler la gravité de zina? Et c'est pour ça que je dis précédemment, la cause qui a fait qu'on a banalisé beaucoup les grands péchés, c'est le manque de science. Parce que quand tu ne sais pas ce qu'Allah a dit et ce que le prophète a dit concernant ce péché-là, et la mise en garde sévère d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam, donc ça ne va pas te faire trop peur. Donc tu vas le faire plus facilement qu'une personne qui savait. C'est pour ça que nous disons, accrochez-vous à votre science, accrochez-vous à votre religion et apprenez votre religion. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, Az-zani la yankihu illa zaniya. Il a interdit au fornicateur de se marier avec une musulmane, avec une croyante. Même s'il dit, je m'appelle Mohamed, même s'il fait la prière, même s'il fait son hajj, même s'il a fait le hajj, même si, mais si il est considéré comme un fornicateur, c'est-à-dire, il ne s'est pas repenti. Ah, il ne s'est pas repenti de la fornication. Tu n'as pas le droit de le marier, d'accord, ou de prendre la responsabilité de le marier avec une musulmane. Az-zani la yankihu illa zaniya. Ah, et Allah Azza wa Jalla, il parle de la fornicatrice. Et il dit, ici, au mushrika, ou bien une associatrice. Et il dit, waz-zaniyatu la yankihuha illa zani. Ah, on ne peut pas marier la fornicatrice, on ne la marie pas, si ce n'est avec un fornicateur, ou un associateur, wal'ayadu billah. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin. Ceci a été interdit pour les croyants. Ah, il dit, ça c'est un comportement qui n'est pas des croyants. Donc, ici, appelle-le comme tu veux, walakin, celui-là, il n'a pas le droit de se marier avec une croyante. Et celle-là, la fornicatrice, elle n'a pas le droit de se marier avec un croyant, avec un musulman, wal'ayadu billah. Au jour où les gens, ils ont rendu tellement banal la fornication qu'ils viennent nous voir. Et moi, j'ai l'expérience par rapport à ça. Des centaines, j'en ai eu. يا اخي السلام عليكم نعم بغيت نحلل وصافي ان شاء الله نديروا الفتحه و واش دو شو فيان tu veux halal quoi c'est on dirait que c'est écrit ça y est c'est tu veux halal quoi je veux rendre halal ma relation quelle relation bah je viens avec ma copine là je suis venu avec elle est dans la voiture et donc j'ai envie de faire l'aqd j'ai envie de faire un contrat l'aqd ou nikah le contrat de mariage mais tu viens avec elle depuis combien de temps ah ça fait 2 ans voilà qu'alhamdoulillah vaut mieux tard que jamais akhi et quoi bah elle est enceinte et j'ai des enfants avec elle et je veux halal il croyait qu'il allait rentrer ici comme il rentrait dans une administration il allait prendre un papier il allait ressortir ça y est je suis marié c'est halal c'est bon il y a pas de problème et en plus de cela peut-être il pensait que comme Allah a dit wa yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat et Allah change leurs mauvaises actions en bonnes actions qu'il allait sortir avec des milliers de bonnes actions d'où tu as vu ce film là et où tu as tiré ce film là et cette histoire là et ces preuves là ici ayol ahibba tant que la personne n'a pas tawb ila Allah azza wa jalla tawbatan nasuha un repentir sincère, véridique, tu n'as pas le droit de prendre la responsabilité de les marier. Il n'a pas le droit de se marier tant qu'il ne s'est pas repenti. C'est-à-dire qu'il n'a pas été sincère dans son repentir. C'est la première condition du repentir. Tu es sincère. Quand tu fais un grand péché, tu es obligé de te repentir. Tu dois être sincère. Ce n'est pas pour les gens ou pour acquérir un bien d'ici-bas. Ou un intérêt mondain. Non, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te repens parce que tu sais que tu as fait quelque chose de grave. Deuxième des choses, an-nadam, le regret. Tu regrettes vraiment ça c'est entre toi et Allah. Tu regrettes vraiment quand tu entends dans le Coran al-Karim, wala yaznun, wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Quand Allah il parle des fornicateurs, tu pleures, tu as peur, tu dis ya Rabb pardonne-moi, tu regrettes vraiment. Troisième des choses, tu as la ferme résolution de ne plus recommencer. On ne dit pas tu as la ferme résolution de ne plus recommencer. Tu te dis wallah bi idnillah, je ne recommencerai plus. Dernière des choses ici, tu laisses le péché dans lequel tu étais mubasharatan, directement après ton repentir. Tu t'es repenti directement. Directement plutôt après avoir pris conscience que c'est haram. Tu arrêtes directement. Il y a des gens maintenant, ils viennent. Quand tu lui dis al-ikhlas, tu ne peux pas ici rentrer dans son cœur. Il dit wallah, je suis sincère. D'accord. An-nadam, il va dire wallah, je regrette. Tu peux pas rentrer dans son cœur. Avoir la ferme résolution de recommencer. Wallah, je recommencerai plus. Tu peux pas rentrer dans son cœur. Bah maintenant tu laisses le péché tout seul. Quoi? Je dois me séparer d'elle, mais elle va vivre où? Et j'ai des enfants avec elle. Et je vais rester où? Et elle, je peux pas, on est dans le même appartement, je vais faire quoi? Je vais louer un hôtel. Ah, menteur, kadhab. Regardez, subhanallah, les conditions du repentir. Ici, fawarabbil ka'ba, si tu les complètes pas, ton repentir n'est pas accepté. Et à travers les conditions, tu verras si la personne est sincère ou pas. Comment ça? Toi, tu dis, je suis sincère. Je regrette. Je ne veux plus recommencer. Et je délaisse le péché. Ah, non, je peux pas délaisser le péché. Tu es un menteur. Az-zina wal ahibba, c'est quelque chose de grave. Si la personne est sincère, fawarabbil ka'ba va dire, je préfère même dormir dehors que de rester avec elle. Il doit se séparer d'elle pendant une période. Il y a un khilaf entre savants, qawlur rajih wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, c'est au moins une période de monstru. Au moins une période de monstru. Et en plus, il y a un grand bienfait. Il y a un grand bienfait, ça c'est la fatwa de Cheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala et d'autres. Et il y a un bienfait parce que ça teste la personne aussi. Et ça permet à la personne elle-même, envers elle-même, de savoir si elle est sincère ou pas. Et toi, est-ce que tu peux vraiment prendre la responsabilité de les marier ou pas? S'il est sincère, il va dire, bien sûr, tout de suite, c'est quoi que je dois faire? Même 3 mois, je me sépare d'elle s'il faut. Donc tu te sépares d'elle, de cette femme-là, tu te dois de te séparer d'elle pendant une période d'un mois, au moins. Jusqu'à ce qu'elle rentre, d'accord? On dit un mois, ou plutôt une période de menstru au moins. On va dire à peu près un mois, jusqu'à ce qu'elle rentre dans sa période de menstru. Si elle a eu ses menstrues, déjà on est sûr qu'elle n'est pas enceinte. Car si elle est enceinte, qawlur rajih min ahli al-ilm, ici c'est que an-nikah, il est quoi? Batil si tu as fait le contrat de mariage. Le mariage il est nul. Tu n'as pas le droit ici de marier 2 personnes alors que la femme est enceinte. Tu dois attendre qu'elle accouche. Déjà un, tu sais qu'elle n'est pas enceinte. Khlas. 2, alhamdoulilah, tu sais qu'elle a eu ses menstrues et ça a été une période qui a prouvé, d'accord, à la personne elle-même qu'elle a été sincère et à toi qu'elle a été sincère et véridique dans son repentir. Tu prends la responsabilité. Voilà qu'une, si elle ne veut pas, c'est qu'elle a minimisé ce péché, c'est que ici elle n'est pas sincère, tu lui dis assalamu alayka ya abdallah. Ici tu ne prends pas la responsabilité, tu n'as pas le droit, ce n'est pas une mince affaire. Qu'est-ce qu'a dit Allah et qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur zina? Le prophète alayhi salatu wassalam il dit, et le hadith il est rapporté par al-Bayhaqi, il dit alayhi salatu wassalam, au cours de mon ascension nocturne, alayhi salatu wassalam, d'accord, lors de al-Isra wal Mi'raj, ici je passais devant des hommes dont les peaux étaient coupées. Regardez, le prophète il les a vus. Bisanadin sahih. Je passais devant des gens, des hommes. Il parle des hommes, après il va parler des femmes. Donc il parle des fornicateurs et des fornicatrices. Il les a vus, alayhi salatu wassalam. Et il dit, ils avaient la peau, walakin cette peau-là était coupée avec des tenailles, wal'iyadu billah, dont les peaux étaient coupées à l'aide de tenailles de feu. Je dis, ya Jibril, qui sont-ils? Il me dit, ce sont ceux qui se sont embellis, qui se sont préparés, qui se sont fait beaux en vue de commettre az-zina. Ceux qui étaient dans dunya, ils se faisaient beaux, ils se préparaient, comme beaucoup de jeunes, wal'iyadu billah, ils se préparent toute la nuit, parfum, mashallah, pour aller en soirée. Qu'Allah Azza wa Jalla les guide. Et nous, on n'est pas en train de dire, ils sont voués en enfer. Abadan, khayrohum fil jahiliya, khayrohum fil din. Kama qala alayhi salatu wasalam, kama ja'a fil sahih. Les meilleurs d'entre eux dans le jahiliya, dans le paganisme, ça sera les meilleurs dans la religion, inshallah ta'ala. S'ils ont compris la religion, comme a dit le prophète alayhi salatu wasalam, et on implore Allah Azza wa Jalla de les guider. Walakin, c'est un fait concret. Ici, il y a beaucoup de jeunes, ils se préparent. Et ça, c'est un hadith que tu dois utiliser pour ici les rappeler, alors les revenir, les faire revenir par la permission d'Allah Azza wa Jalla vers la vérité. Dis-leur, le prophète a dit, il a vu des gens à qui on coupait la peau à l'aide de tenailles de feu. Le prophète a dit, à Jibril, qui sont-ils? Il a dit, ce sont des hommes. Il parle des hommes d'abord. Des hommes à qui, ou qui se préparaient, se faisaient beaux en vue de commettre zina. Et quand on parle de zina, on dit la fornication et l'adultère. Ah, la fornication et l'adultère rentrent dans le terme zina, comme on dit les gens de science. Après, le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit, je passais devant un puits dégageant, akramakumullah, une odeur ici affreuse, mauvaise, avec une traduction approximative, avec une forte odeur. Et d'où j'entendais, il y en a des cris, avec une traduction approximative, des cris des hurlements. Et le prophète a dit, ya Jibril, qui sont-ils ces gens-là maintenant? Il me dit, ce sont des femmes qui se préparaient, qui se faisaient belles en vue de commettre az-zina, la fornication, ou l'adultère, et faire ce qui leur était illicite, wal-iyadhu billah. Après, les gens, ils minimisent. Le prophète a vu des hommes à qui on coupait la peau à l'aide de tenailles de feu, et des femmes qui dégageaient une odeur nauséabonde, mauvaise, très forte, et des cris, des hurlements qui sortaient d'un puits. C'était les femmes qui se préparaient pour commettre az-zina wal-iyadhu billah. Le prophète alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il dit concernant zina? Il rappelle qu'il y a des degrés dans zina, et que à travers tous les hadiths, et on n'a pas le temps de les citer tous, mais que celui qui est célibataire et qui fornique, il est considéré par la mise en garde sévère d'Allah, de la part d'Allah et du prophète alayhi salatu wasalam, et il est encadré par ce hadith que je viens de citer. Mais ce n'est pas le même degré que celui qui est marié et qui fornique. Celui qui fornique alors qu'il a 60 ans, il n'a pas, ou ça n'a pas atteint le même degré que celui qui fornique alors qu'il a 20 ans. Celui qui fornique avec une femme étrangère et qui ne connaissait pas, ce n'est pas le même degré que celui qui fornique avec la femme de son voisin. Et tout ceci est tiré des textes authentiques de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. À titre d'exemple, le prophète alayhi salatu wasalam, il dit, le hadith est rapporté par Muslim. Thalathatun la yukallimuhum Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilayhim wa lahum adhabun alim. Le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, il y a trois catégories de personnes dont Allah subhanahu wa ta'ala ne leur parlera pas au jour de la résurrection. La yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim, avec une traduction approximative, il ne les purifiera pas. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, il ne les regardera même pas. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ils auront un dur châtiment. Et il dit شَيْخٌ زَانِ. Ah, il parle de qui? La personne âgée. الشَّيْخ, c'est une personne âgée qui est fornicateur. Il est vieux, il est âgé, et avec cela, il fornique, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Donc ici, il n'a pas parlé de la même manière du jeune. La preuve qu'il y a des degrés. Un vieux fornicateur, c'est plus grave auprès d'Allah Azza wa Jalla qu'un jeune fornicateur. Ça ne veut pas dire qu'un jeune fornicateur, ce n'est pas grave. Attention. Le jeune fornicateur, il est encadré par quoi? Par le hadith qu'on a cité précédemment et par d'autres hadiths. Et il dit parmi eux aussi, وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ. Ici, un roi menteur, quelqu'un qui détient une autorité et qui est menteur, وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ, avec une traduction approximative, celui qui n'a rien, qui est faible, qui est pauvre, et avec ça, il s'enfle d'orgueil devant les gens. Entre guillemets, il vaut presque rien. Mais malgré ça, il s'enfle d'orgueil. Il se prétend pour je ne sais qui, pour un riche, pour un savant, pour, alors que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas octroyé les bienfaits qu'il aurait donné aux riches, aux savants. Il est pauvre, il est nécessiteux, il est dans le besoin, dans tous les sens du terme, et avec ça, il est orgueilleux, wal-iyadhu billah. Ces trois catégories de personnes, ils ont ces quatre choses qu'on vient de citer. Allah les regardera pas, il les purifiera pas, il ne leur parlera pas, et en plus de ça, ils auront un dur châtiment, et il a dit, Shaykhun Zani. Ah, il a dit, le vieux fornicateur. La preuve qu'il y a des degrés, il y a des degrés, ayyuhal ahibba, comme j'ai cité précédemment. Et c'est pour ça qu'on met en garde contre Zina. Et mettre en garde contre Zina veut dire, on met en garde contre tout ce qui amène vers Zina. Allah dit dans le Coran al-Karim, un verset que je répète souvent, لا تتبعوا خطوات الشيطان. N'approchez pas les pas de Shaitan, ne suivez pas les pas de Shaitan, ne suivez pas Shaitan. Les pas, car il y a des étapes, ayyuhal ahibba. Il y a des étapes, vous connaissez le proverbe, un regard, un sourire, un rendez-vous, vous connaissez la suite. Il y a des étapes. Shaitan, il va pas te dire tout de suite, va faire zina. Eh non, il va te dire étape par étape, c'est pas grave. Ah, toujours la même parole, c'est pas grave, il y a pire que toi. Cette parole, elle va revenir souvent, et elle revient souvent. Chez les jeunes, chez les personnes âgées. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Personne n'est préservé. Allah dit, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire al-maut. Jusque ta mort, tu n'es pas à l'abri. Même un savant n'est pas à l'abri de glisser. Faut pas croire que tu vas voir une personne qui est parmi les savants. Et bien sûr, il y a beaucoup moins de chances que le savant glisse. D'accord? Qu'une personne qui a très peu de science, c'est clair. Voilà qu'une personne sur la surface de la terre, d'accord, n'est à l'abri de glisser, ayyuhal ahibba, parmi nous. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des prophètes, nous ne sommes pas des envoyés. Nous, il y a fort probabilité qu'on glisse. Voilà qu'il glisse jusqu'à où? Jusqu'à faire des petits péchés, c'est une chose. Mais jusqu'à commettre plusieurs grands péchés, perdurer dans ces grands péchés, persister dans ces grands péchés, nous disons non. Et si tu as glissé, repends-toi, alhamdoulillah. Voilà que nous disons, attention, on ne doit pas baisser la garde jusqu'à tomber dans le kaba'ir, la fornication. Et c'est parmi les signes de la fin des temps, l'alcool, le mensonge, les grands péchés. Au moins, écarte-toi des grands péchés. Et ne néglige aucun petit péché, comme on a dit précédemment et comme a dit Ibn al-Mu'taz, rahimahullah ta'ala, car les montagnes sont faites de petites pierres. Inna al-jibala mina min al-hasa. Parmi les causes, Allah dit dans le Coran al-Karim, wala taqrabu zina. Ah, il ne dit pas wala taznu, wala taqrabu zina. N'approchez pas la fornication. Les savants, ils ont dit, c'est encore plus strict et plus sévère que si Allah subhanahu wa ta'ala avait dit, ne forniquez pas. Parce que là, quand Allah il dit ne forniquez pas, c'est l'acte lui-même qui est interdit, on est d'accord, la fornication. Mais quand Allah il dit, wala taqrabu zina, n'approchez pas. Donc Allah Azza wa Jalla, non seulement il interdit l'acte, mais il interdit toutes les étapes qui vont te mener ou qui sont avant cet acte-là, on est d'accord. Donc c'est encore plus sévère et encore plus strict et encore plus clair que s'il avait dit ne forniquez pas. Non seulement la fornication est interdite, mais là Allah il dit n'approchez pas, c'est-à-dire tout ce qui va te faire approcher de la fornication, tout ce qui risquerait de te faire glisser dans la fornication, toutes les étapes intermédiaires sont haram. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasalam nous rappelle ici qu'il n'y a pas que l'acte qui est interdit quand il dit, et le regard a sa part de fornication. Et pourquoi pas alors qu'Allah dit dans le Coran al-Karim, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ. Dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Allah Azza wa Jalla, il nous a interdit de rester fixé une femme étrangère par exemple. Et ça c'est parmi les causes de fornication. Et comme c'est des actes intermédiaires, ils sont haram. Car Allah a dit, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. N'approchez pas la fornication. Donc nous disons, les causes qui nous font tomber dans la fornication, c'est que ici on a négligé les paroles d'Allah Azza wa Jalla, et particulièrement cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu zina. Donc on dit aux frères et aux sœurs, attention au regard. Ici, baisse ton regard. Parmi les choses qui font tomber les gens dans la fornication et qui ont été négligées, banalisées. Après, faut pas se plaindre quand les gens tombent dans la fornication, et pourquoi se plaindre? Alors que les gens, ceux qui ont banalisé ces étapes, ils ont banalisé même la fornication. Quand tu dis à une personne, parmi les musulmans, il faut baisser son regard, il te dit, faut pas exagérer. Billahi alayk. Est-ce qu'il a banalisé ce péché, oui ou non? Oui. T'étonnes pas s'il banalise ici la fornication. Et combien on voit des gens qui parlent même sur la religion et qui est devant la femme comme ça? Et combien de mails on a quelquefois où des gens qui nous posent des questions, mais, là, je comprends pas. Il y a telle chaîne télévision. Je suis pas là pour citer les noms des chaînes. Walakin, il y a telle chaîne télévision. Il y a une personne qui parle de religion. Mais il parle avec Qalallah, Qalal Rasul. Walakin, il est en face d'une femme. Et c'est pas qu'il est que en face d'une femme. Il lui parle et il rigole avec elle. Donc déjà, on dit attention à Su'advan. Peut-être c'est sa femme. C'est vrai ou pas? Peut-être. Walakin, en général, on sait très bien que dans certaines chaînes télévisées, ce n'est pas leur femme. Parce que quand il se tourne et quand la caméra se tourne, il y a 100 femmes devant lui. Oh, il a 100 femmes, il en a droit à 4. Donc ici, on voit qu'il y a un excès. Et des gens qui ont banalisé ce péché, donc ici, il ne faut pas s'étonner s'ils banalisent la fornication. Et si même eux ne banaliseront pas la fornication, ou bien, ne vont pas rendre halal la fornication, ils ont été la cause que certaines personnes ont rendu halal la fornication. Pourquoi? Parce que toi, tu es une référence. Donc toi, tu es rentré, ou alors tu as glissé dans une chose qui est interdite en islam et qui mène vers la fornication. Donc tu as rendu permis quelque part cette étape alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Wala taqrabu zina ». Une chose qui va mener vers la fornication, tu l'as rendue permise. Donc les gens ont suivi ça et ils ont glissé, sont tombés dans la fornication. À cause de qui? À cause de toi. Wal'ayyazu billah. Donc on dit « Ittaqullah ya ibadallah ». La mixité c'est haram. Si le prophète alayhi salatu wa sallam l'a interdit, c'est qu'il sait que ça va mener à des désastres. Et combien de désastres on a entendu? Dans la même famille, belle-sœur, beau-frère, etc. Mashallah, on est dans la famille. Faut pas exagérer. Alors que le prophète, il dit quoi quand ils l'ont interrogé? Quand le prophète, alayhi salam, il a dit dans Sahih al-Bukhari, ils ont dit, le prophète, il a dit, iyakum, wad-dukhul, ala-nisa. Attention, méfiez-vous de rentrer chez les femmes. Ils ont dit, ya Rasulallah, qu'est-ce que tu dis de al-hamou? Ici, c'est al-aqarib, aqarib al-zawj. C'est les proches du mari, de la famille du mari. Il a dit quoi, le prophète, alayhi salam? Al-hamul maut, il a dit, cela c'est la mort, pour mettre en garde et dire ça c'est plus grave, parce que la personne elle va se relâcher trop, elle va dire c'est pas grave, c'est de la famille, peut-être il va avoir une intimité, et après ce qui se passe, ne te plains pas, et on a des cas concrets, où les gens t'appellent, moi j'avais confiance en ma sœur, mon mari m'a trompé avec ma sœur. Mais pourquoi? Ben, une fois, j'étais pas là, et mon mari est parti, chez moi, et il a trouvé ma sœur, ils sont restés ensemble, et voilà. Et on a entendu des dizaines de cas comme ça. Et fa warabbi al-Ka'ba, je pèse mes mots. Ce n'est pas des fausses histoires. Et il y a des histoires, qu'Allah m'en est témoin, que je n'ose même pas. Pourtant, ça peut être des grandes leçons pour la communauté. Walakin, je n'ose même pas, tellement que c'est choquant, je n'ose même pas les dire. Pourtant, je devrais, wallah, il y a des histoires, c'est tellement choquant. Si vous entendez ce qui se passe dans la communauté, et je vous dis même pas aux États-Unis, juste en France, vous seriez choqués. Fa warabbi al-Ka'ba, vous serez choqués. Les histoires de le père musulman qui fornique avec sa fille depuis des années, c'est banal. Je vous le dis tout de suite, hein. Allah m'en est témoin. C'est banal chez beaucoup de personnes. Et des femmes qui ne savent même plus psychologiquement comment s'en sortir. Et elle te dit, comment je fais? Est-ce que je dois garder les liens de parenté? Walakin, quand je vois mon père, je suis obligé d'aller chez le psychiatre après. Mais si je coupe les liens de parenté, je me sens mieux, mais j'ai coupé les liens de parenté. Comment je fais? Pourquoi? Pas parce qu'il a abusé de moi pendant des années. Et pourtant, c'est un hajj, et combien de cas on a eu comme ça? Pourquoi? Parce qu'on a minimisé les paroles d'Allah et du prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand on sortait les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, les gens disaient, oh, t'exagères, alhamoul maut, c'est la mort. Billahi alayhi. T'étonnes pas si t'entends une fille comme ça qui dit, je préférerais mourir que vivre ça. Prophète alayhi salam, il te rappelle que c'est des choses qui peuvent amener à des situations catastrophiques et des situations qui, où il y a des actes quelquefois qui sont presque irréparables. Comment voulez-vous que cette sœur ou cette fille elle réagisse avec son père? Ou bien que la sœur qui a été trompée par son mari, par sa propre sœur, comment voulez-vous qu'elle ait une bonne relation avec sa sœur après? C'est des choses quasiment irréparables. Donc nous disons, quand Allah dit une chose et le prophète dit une chose, il ne faut surtout pas minimiser ces choses-là. Il ne faut surtout pas minimiser ces choses-là. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Allah dit dans le Coran, et ça c'est un verset comme Ibn Taymiyyah et d'autres, il dit c'est un verset à adopter de façon générale, et ce n'est pas dans une situation bien spécifique. Vous pensez que c'est quelque chose de mondain, de pas trop grave, sans aucune importance auprès d'Allah Azza wa Jalla, c'est grave, il y a des choses on minimise. Et n'oubliez pas les paroles de Anas dans le Bukhari, de l'Athar de Bukhari, vous faites des péchés qui, à vos yeux, ici sont comme un cheveu. D'accord, sont aussi fins qu'un cheveu, alors qu'à l'époque du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, ça faisait partie de l'mubiqat, c'est-à-dire al-muhlikat, les destructrices, les péchés capitaux, wal-iyadu billah. Et c'est pour ça qu'on dit, la mixité, attention, mixité interdite. Et j'ai fait une khutba sur la mixité. C'est pas toute mixité qui est interdite, c'est la mixité trop ambiguë. D'accord, il y a certaines mixités plutôt qui sont interdites. Baisser le regard, c'est parmi les causes. Attention à la grande fitna qui est chez vous, dans votre logement, qui est quoi? La télé. Il y a des gens qui disent, wallah, je vais pas en centre-ville ou dans des endroits où il y a du haram, etc. Moi, m'imaginer aller. Et, excusez-moi, je vais être un peu sévère, voilà, qui est un peu dur, voilà, qui est une réalité dure et on est là pour s'entraider. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Va dire à un musulman. Est-ce que tu oserais, ala kam la'isha? Est-ce que tu oserais partir, j'ose même pas dire le mot, dans une mosquée. D'accord? Dans des endroits qui sont, où ils dansent, etc., dans des soirées. D'accord? Des boîtes de, vous voyez ce que je veux dire. À la kulli hal, un musulman, il va te dire qu'il investit jamais de la vie. Mais si je lui dis quelque part, il en a une chez lui. Ça choque. Mais billahi alaykoum, combien de fois on allume la télé et on voit ce qui se passe dans ces endroits le soir, on les voit? Abrachacha, à travers l'écran de télé. La musique à fond, des femmes et des hommes qui sont en train de danser à moitié nus. Et peut-être tes enfants regardent ça. Peut-être tu n'irais pas, mais tu as ici, quelque part, amené cette ambiance-là chez toi. Tu as ramené cette moussiba chez toi et tu laisses allumer et au bout de 10 minutes, oh, baisse le son. Mais ça y est, c'est resté gravé dans la tête de ton fils et de ta fille et de ta femme. Et l'insan, il est faible. Et Shaitan après va laisser ses images dans ta tête. Après, quand tu fais Allahu Akbar et que tu n'arrives pas à te concentrer, t'étonne pas. Ici, le cœur, c'est comme une éponge. Ici, ce que tu vois va directement au cœur. Ce que tu dis et ce que tu entends va directement au cœur. Les endroits où tu vas, ça va laisser des traces dans ton cœur, ya Abdallah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith authentique, à chaque fois que le serviteur fait un péché, Allah Azza wa Jal met un point noir. Ah, nukta, un point noir dans son cœur. Et quand il demande pardon, il se repent, il revient vers Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala le purifie de ce point. Ça y est, khlas, il efface ce point. Et quand il persiste et il ne se repent pas, ici, ça ne cesse de quoi s'amplifier ce point noir. Et plus tu fais des péchés, plus tu as des points noirs, jusqu'à ce que ton cœur soit totalement couvert. Wal'iyadhu billah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Après, le prophète, il a cité le verset coranique. Et il rappelle qu'Allah Azza wa Jal dit quoi? C'est ce qu'ils ont accompli qui a couvert leur cœur. Ici, tu laisses accumuler des choses qui font que ça te perturbe. Et quand tu pries, Ici, on a besoin d'avoir un cœur saint pour prier comme il se doit, avec khushu, humilité. Mais quand ton cœur est presque noir complètement, ou est beaucoup noir, t'étonne pas que tu n'arrives pas à faire salat al-subh. Tu n'arrives pas ici à prier avec humilité. Tu n'arrives pas ici à travailler ta foi. Pourquoi? Parce que le cœur, il s'est entaché. Et c'est pour ça que les savants ils disent, Al-iman yazidu bita'a wa yanqusu bil ma'asi. Car le moteur et le roi, c'est le cœur qui te permet de faire des bonnes choses. Et si ce moteur, il est encrassé quelque part avec une métaphore, si ce roi, il est corrompu, c'est-à-dire que ici, tu as fait que accumuler des péchés. Donc il va devenir noir, et ce moteur qui te permet de faire des bonnes actions, ce roi qui donne les ordres aux membres d'exécuter des bonnes choses, il sera corrompu. Donc les membres vont suivre, ils vont faire que des choses corrompues et mauvaises. Donc nous disons, il faut préserver son cœur, et de s'éloigner de tout ce qui peut te pousser à regarder des choses haram. Et de faire attention à ce que tu regardes même à la télé, particulièrement la télé. Parmi les choses aussi, il y a le célibat. Combien de jeunes ici, ils jouent avec ça? Ils ont les capacités financières de se marier. Ils ont les capacités ici, physiques de se marier. Ils peuvent se marier, mais ils retardent. Et certains nous disent, ouais mais attends mon frère, on prend des exemples de savants. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, c'était un grand savant. Ici, il était marié, il n'était pas marié. Parce qu'il y a des jeunes qui sont comme ça. Qui veulent, ils acceptent, ils disent, moi je ne veux pas me marier et je lutte. Tu luttes avec ça, avec cette grosse fitna, et ben accroche-toi. Il y avait un salaf qui disait, et j'ai oublié son nom, il disait, Wallahi, si vous me mettez des millions d'euros, enfin des millions d'euros, non, pas des euros, mais des millions, beaucoup, une grande somme d'argent, une amana énorme concernant l'argent, entre les mains, bi'idnillah, je suis sûr de ne pas la trahir. Walakin, si je me retrouve isolé en tête à tête avec une femme, je ne peux rien promettre. Toi, tu vas jouer les je ne sais qui. Déjà, t'es pas Ibn Taymiyyah, toi, déjà. Et en plus de cela, à l'époque du prophète, c'est pas notre époque. Vous avez vu tous les hadiths, tous les mises en garde qu'il y a, tous les versets coraniques qui parlent de la fornication, baisser le regard. Ça, c'était à l'époque du prophète, où les femmes sortaient voilées. Imagine-toi notre époque où quand tu sors, les femmes, comme le prophète alayhi salatu wasalam a dit dans un hadith de Bukhari, il y aura une époque où deux catégories que j'ai pas encore vues, et parmi ces deux catégories, le prophète, il a dit des femmes. Ah, ils sont nus bien qu'ils soient habillés. C'est notre époque, le prophète il l'a dit à son époque, mais il n'y avait pas à son époque. Que dire de notre époque? Comment ça toi tu as les capacités? Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas les capacités, et je reste et je lutte. Tu as les capacités de te marier? Marie-toi, ya Abdallah. Tu seras obligé de glisser sinon. Illa man rahima la sauf dans des cas particuliers. Marie-toi. Tu as les capacités financières et physiques? Marie-toi. Parmi les causes ici aussi, de ce grand nombre de personnes parmi la communauté du prophète qui ont glissé et qui sont mariées, c'est qu'il y a de la négligence dans les foyers. Et qu'on a oublié, ici le verset coranique où Allah Azza wa Jalla dit, il parle des femmes. Ils ont des droits équivalents à leur devoir. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu wa arda, de ce verset coranique, il a dit, et moi j'aime m'embellir comme j'aime que mon épouse s'embellisse pour moi-même. Ça c'est ibn Abbas. Des montagnes de science qu'il le disait, ils n'avaient pas honte de le dire. Nous, est-ce qu'on va dire, je ne sais quoi? Si Abdullah ibn Abbas disait ça, et il met l'accent sur ça en nous rappelant que c'est important que l'homme s'embellisse pour sa femme et que la femme s'embellisse pour l'homme. À leur époque où ils sortaient, et c'était l'iman, l'taqwa, l'ihsan, c'était le sahaba, il est rapporté que juste l'ambiance qu'il y avait dans l'aswar, dans les marchés à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, même aujourd'hui, dans les plus grandes assemblées de science, on les retrouve pas. Juste quand ils se rencontraient dans l'aswar, dans les marchés à sahaba. Alors imaginez-vous à notre époque où tu sors, qu'est-ce que je pourrais donner comme terme pour donner une métaphore? Oh là, je ne trouve même pas. C'est pas la jungle, c'est pire que la jungle. Vous savez comment c'est. Les affiches publicitaires, les ceci, les cela. S'il y a ce délaissement et qu'on retrouve, et combien ils ont divorcé à cause de ça? Wallah, al-adim, l'homme, il dit, wakhlas. Ici, quand je rentre chez moi, les premiers jours, vous connaissez le premier mois. Shahrou al-asal. Connaissez, le mois du miel. Le deuxième mois, shahrou al-basal. Le mois de l'oignon. Pourquoi? Le premier mois, tu rigoles, le deuxième, tu sais ce qui arrive. Ça, c'est des savants qui disent quelquefois pour rigoler, mais pour montrer que ici, il y a beaucoup de délaissement après les débuts du mariage. Premier mois, masha'Allah, etc., etc. Et deuxième, troisième, c'est devenu une routine qui a fait que la femme, elle se délaisse à tel point qu'elle n'attire plus son mari. Alors que c'est la jungle dehors. Ou bien le mari se délaisse à tel point que la femme a du dégoût envers son mari. D'accord? On ne dit pas que les couples doivent être fondés que sur je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, etc. Non. Walakin, l'amour et les sentiments, ça fait partie de l'islam aussi. Le prophète alayhi salam dans le Bukhari, ils ont dit, quelle est la personne que tu aimes le plus? Qu'est-ce qu'il a dit? Aïcha. Ensuite, Abu Bakr. Ensuite, خلاص, les compagnons sont venus, Omar et autres. Walakin ici, il a commencé par une femme, Aïcha. Walakin ici, nous disons, pour maintenir les bonnes relations dans le couple, nous disons, surtout à notre époque, que la femme fasse tout ce qui est en ses capacités pour s'embellir de la meilleure des façons pour son mari. Et de même l'homme. Et que tout ce que son mari aime, ici, concernant sa tenue vestimentaire, son physique, elle s'efforce à le faire. Parce que dehors, c'est la jungle. Et combien de jeunes, ils nous ont dit, moi je parle avec des faits concrets, hein, je parle pas de moi-même, je parle parce que je reçois des centaines d'appels chaque semaine. Et des jeunes qui disent, je peux plus. Ma femme, ici, elle ne s'embellit plus pour moi, elle ne m'attire plus, elle se délaisse à tel point que, on dirait qu'elle a 50 ans, mon frère. Wallah, et combien de frères, ils m'ont dit, Wallah, il adim, quand je rentre, j'ai l'impression que je suis avec ma mère. Wallah, il adim, c'est pas pour eux. Ils me disent, c'est parce que, on critique pas nos mères. Voilà qu'une femme qui a 55 ans ou 60 ans, elle va pas s'habiller comme une femme qui a 20 ans ou 20 ou 30 ans. Lakin, c'est pour montrer, il y a tellement délaissement, que maintenant, adi, elle fait plus attention, elle peut mettre une robe de taille M, elle met une robe XXXXL. Pourquoi? Parce qu'elle dit, je suis à la maison, c'est pas grave. Subhanallah. Donc ici, nous disons, la femme, ici, elle doit faire vivre son foyer et faire de son foyer un jardin de repos pour son mari. Et pareil, l'homme, Abdullah ibn Abbas, il dit, et moi, j'aime m'embellir pour ma femme comme j'aime, Abdullah, il dit, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu an abi, comme j'aime que ma femme s'embellisse pour moi. Tout en mettant l'accent sur le fait que ce qui embellit le plus la femme et l'homme, ce n'est rien d'autre que taqwallahi azza wa jal, la crainte pieuse. Tu as beau avoir la plus belle femme du monde, voilà qu'une, si tu rentres chez toi et qu'elle te met ici ta tête de l'autre côté, ou alors que la femme vice versa, elle a le plus bel homme au monde et quand il rentre, il la maltraite ou je ne sais comment il se comporte avec elle, wallahi al-adim, la beauté, elle va s'effacer, ça ne servira à rien du tout, à rien du tout. Nous disons, c'est impératif, mais la chose qui prime, c'est bien sûr taqwallah, c'est la crainte pieuse. C'est la crainte révérentielle envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas une chose qui embellit plus l'homme et la femme que quoi? La crainte pieuse envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça on dit aux frères et aux sœurs, ne négligez pas ça, car dehors c'est la jungle. Il faut que la femme fasse tout ce qui est en ses capacités pour attirer son mari. Et de même, le mari doit faire tout ce qui est en ses capacités pour attirer la femme. Et ça, c'est des choses qui ont fait que beaucoup de jeunes mariés, je parle de l'adultère maintenant, mariés, ont glissé, et que même certaines femmes, naam, ça existe, que certaines femmes ont glissé à cause de ça aussi, et surtout à notre époque. Az-zina, wa yadharu az-zina, ça fait partie des signes de la fin des temps. Le prophète l'a dit à 14 siècles, et ici on vit cette épreuve, malheureusement au jour d'aujourd'hui. Walakin Allah fait ce qu'il veut, quand il veut. Et on va parler du prochain signe, la semaine prochaine, bihawlillahi azza wa jal, qui est ici, yadharu al-riba, l'apparition des intérêts usuraires. Et on va citer dans les détails ce que le prophète alayhi salatu wasalam a dit sur les intérêts usuraires. Et on va parler aussi, je pense qu'on parlera de ces deux signes la semaine dernière, l'intérêt usuraire et l'apparition des instruments de musique qui fait partie des signes de la fin des temps. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.